Chérie, t'as invité qui pour Noël? Alors, Bradley Cooper et Lady Gaga, Catherine II de Russie, oh, et les joueurs de Première Ligue. Ah, du coup, je vais peut-être acheter de la bûche. C'est bon, Eric, je dors s'en occupe, il ramène tout un platane. En novembre et en décembre, sur Canal+, A Star is Born, Catherine the Great, la Première Ligue et Platane saison 3. Pour Noël, offrez-vous Canal+, c'est toujours 19,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Offre soumise à condition. Monseigneur, le duc d'Albe a besoin d'un bouffon. Venez vous proposer? Et moi? Je vous aiderai. Après tout, pourquoi pas? Je serai le fou, vous serez ma folle. Les derniers mois de Gérard Philippe. L'homme, chez lui, tout près de la joie intacte de l'enfant, aimait à rire, à s'amuser, à imiter, à grimacer, comme dans un carnaval. Charmant, il lui convertit la mélancolie. Quelquefois, un grand rire fusait de sa poitrine. Rire franc, net, sonore, incoercible, le plus escaladeur qui se puisse percevoir. Cela vous embrasait la vie, se communiquait à votre âme même. Et vous, riant en chaîne, vous trouviez transporté dans un ciel de camaraderie. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Un ciel de camaraderie, c'est Henri Pichette, le grand poète qui devait beaucoup à Gérard Philippe, qui disait cela. Gérard Philippe entre, on le verra, dans une clinique rue Violet le 9 novembre 59. Peu de jours après, Pichette lui rend visite et spontanément, il écrit, rentrant chez lui, à l'imparfait, pour parler de Gérard Philippe. Jérôme Garcin, bonjour. Bonjour. Le dernier hiver du Cid, c'est un titre plus poétique que celui de notre mission. C'est un livre chez Gallimard. On dit souvent de vous, on va pas expliquer qui vous êtes aux auditeurs de France Inter, que dans vos écrits, vous êtes un passeur pour la postérité. Enfin, que votre œuvre est jalonnée de tombeaux. Et là, c'est le tombeau de Gérard Philippe, que vous avez connu indirectement par Anne Philippe très jeune. Absolument, je l'ai rencontré, Anne, j'avais 18 ans, je venais de lire Le Temps d'un soupir, très beau livre qu'elle a écrit après, quelques années après la mort de son mari, de Gérard Philippe, et j'ai rencontré cette femme au 17 rue de Tournon. Après lui avoir écrit, j'étais personne, j'avais 18 ans, j'étais un peu en détresse après la mort de mon père, accidentellement, et de mon frère jumeau, accidentellement également, et elle m'a réconforté, et ensuite elle m'a merveilleusement accueilli dans son appartement de la rue de Tournon, et je dirais même dans sa famille, et ça n'est qu'après que j'ai eu la chance, le bonheur, le privilège de rencontrer celle qui allait devenir ma femme, Anne-Marie. Anne-Marie qu'on entendra tout à l'heure, parce que en même temps que la version papier de votre livre sort un CD dont elle est l'interprète et qui reprend votre texte. On va commencer au début de 1959. Nous sommes sur la scène du TNP, dans une retransmission de la radiodiffusion nationale. Vous allez entendre le mot « régie » pour désigner la mise en scène qui, ce jour-là, est assurée par René Clair. Enfin, René Clair, c'est pas n'importe qui, c'est un grand cinéaste. Il n'est que le régisseur. Mais c'était un choix de Jean Vilar. Je vous rappelle que Jean Vilar ne s'est jamais fait appeler metteur en scène. D'ailleurs, on verra peut-être dans cette émission à quel point cette époque-là est devenue obsolète par sa morale, par sa rigueur, par sa modestie, son humilité. Et Jean Vilar, qui a mis en scène des spectacles magnifiques, ne se faisait appeler que régisseur. Et quand René Clair, le cinéaste notamment des grandes manœuvres dans lesquelles avait joué Gérard Philippe, a pour la première fois voulu faire une mise en scène de théâtre, Jean Vilar lui a proposé de prendre le même titre, simple, humble, de régisseur. J'ajoute, il s'agit d'une pièce de Musset, on ne banine pas avec l'amour. Ce nom manque au générique, que nous sommes dans des décors en couleur d'Edouard Pignon. C'est assez rare la couleur dans les décors du TNP, non? Oui, mais on ne peut pas dire que ça a été d'ailleurs un très grand succès, hein, ce spectacle, mais on va en dire deux mots après. La radiodiffusion française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission de Philippe de Chartres. Vous entendrez aujourd'hui « On ne badine pas avec l'amour » d'Alfred de Musset, joué par le Théâtre National Populaire, musique de Maurice Jarre, régie de René Clair. 20 fois j'ai tenté de l'aborder. 20 fois j'ai senti mes genoux fléchir en approchant d'elle. Quand je la vois, ma gorge se serre et j'étouffe comme si mon cœur se soulevait jusqu'à mes lèvres. J'ai éprouvé cela. Et pourquoi donc suis-je ainsi ? N'est-ce pas une vieille maxime parmi les libertins que toutes les femmes se ressemblent ? Pourquoi donc y a-t-il si peu d'amour qui se ressemble ? En vérité, je ne saurais aimer cette femme comme toi, Octave, tu l'aimerais. Ou comme j'en aimerais une autre. Qu'est-ce donc pourtant que tout cela ? 2 yeux bleus, 2 lèvres vermeilles, 1 robe blanche et 2 blanches mains. Pourquoi ? Ce qui te rendrait joyeux et empressé, ce qui t'attirerait, toi, comme l'aiguille aimantée attire le fer, me rend-il triste et immobile ? Alors si aujourd'hui la présence de la voix n'est peut-être pas celle qu'on aimerait, c'est que le TNP n'était pas tourné vers la captation pour la postérité. Mais Jean Vilar s'y opposait fermement, pour des raisons simples et là encore très morales, de même qu'il allait vers le public le plus défavorisé. Ça, il faut le rappeler parce que les gens l'ont un peu oublié, mais c'est la loi fondamentale du TNP, c'est offrir les plus beaux textes à ceux qui n'ont pas été éduqués pour les recevoir, qui n'ont pas eu la chance d'avoir les moyens d'aller au théâtre. Et donc, il y avait ça. Et puis, il y avait ensuite cette idée que le théâtre, c'est du spectacle vivant. C'est donc éphémère et c'est fait pour des spectateurs vivants. Et toute idée de captation, c'était une mise à mort pour Vilar. Résultat, aujourd'hui, 60 ans après, on a quelques enregistrements sonores, mais on n'a aucune captation des grands rôles qui ont fait la légende de Gérard Philippe, pas plus le Cid que Lorenzaccio ou que le Prince de Hambourg. Et d'ailleurs, on vient d'entendre un petit extrait de cette d'Octave, mais il faut savoir que là encore, c'est dur à imaginer aujourd'hui que au même moment, il jouait encore le Cid, Rodrigue, encore Lorenzo ou encore Ruy Blas. C'est-à-dire le Prince de Hambourg en février 59 aussi. Des rôles titres qui continuaient à tourner et qui faisaient que c'était un frégoli au sens propre. Il était capable, avec des textes très longs, d'être au-devant de la scène dans des pièces aussi importantes que celle-là. Le public a modérément aimé la mise en scène de René Clair. Mais à épargner Gérard Philippe. Parce que c'était, en même temps, c'était le très joli côté aussi des rôles de Gérard Philippe. C'était ses rôles romantiques, ses rôles beaucoup plus tendres que ceux que lui avait apporté le Cid, évidemment, ou Hambourg. C'est pour ça que Jean Vilar pouvait dire « Vous êtes sentimentalement populaire ». Et c'était un compliment dans sa bouche. Spontanément, affectivement populaire. Mais parce que Vilar aussi, lui, le remerciait d'avoir fait un choix qu'aucun grand comédien de cinéma, comme il l'était à l'époque. Je vous rappelle qu'il est mort à 36 ans, une trentaine de films à son actif. Vilar avait obtenu qu'il accepte d'entrer dans cette troupe populaire, destiné à un public populaire, avec, dans le cas de Gérard Philippe, le même cachet que ses autres camarades, son nom sur les affiches dans le même caractère que ses autres camarades, et pas en tête d'affiche. Et c'est quelque chose qui est très beau, parce que ça ressemble quand même à un sacerdoce. Il ne va plus retourner sur la scène du Théâtre National Populaire, parce que 2 contrats l'attendent pour des films, un contrat avec Vadim, et puis un autre au Mexique, avec Buñuel. Il lui arrivait de faire parterre à la télévision, par exemple quand c'était France Roche qui l'interrogeait. Vous avez tourné cette année 2 films, oui. Les Liaisons Dangereuses, et vous venez de terminer La Fièvre Monte à El Pao. Oui. C'est Luis Buñuel qui a mis en scène ce film, La Fièvre Monte à El Pao. Vous m'avez dit que Buñuel commence avant tout, avant d'entamer un scénario, à s'assurer que le scénario sera contre la famille, la patrie, la religion. Oui. Je lui ai posé les mêmes questions que vous m'avez posées. Et il me répondait, de toute façon, avant tout, il faut que l'anecdote ne prône pas ni la religion, ni la famille, ni la patrie, ni la police. Et ce sont quatre qualités que l'on retrouve dans le film qui s'appelle La fièvre monte à El Pao en français, qui s'appelle Les Ambitieux en langue espagnole. Oreda, une île de l'océan Atlantique. Capitale El Pao. Aucun touriste n'a été autorisé à débarquer à El Pao. À côté des masures misérables où végète une population exploitée par quelques gros propriétaires et les fonctionnaires envoyés du continent, s'allongent les bâtiments du pénitencier, où sont enfermés 2000 condamnés. Dépêchez-vous. Bonjour. Vous savez que le règlement interdit d'enchaîner les politiques? Ça fait 2 ans qu'on les traite comme les droits communs. Je vous demanderai seulement de me signer une décharge. Tiens, dégagez ma responsabilité. Non, je refuse, j'ai jamais signé de papier. Dans ce cas, je me vois dans l'obligation d'en référer à la capitale. Ôtez les chaînes à tous les détenus politiques. Alors, vous êtes satisfait? Alors, il joue le rôle d'un officier, qui n'est pas encore révolutionnaire, mais qui est pur. Et aussitôt après le tournage, au Mexique, il file à Cuba. C'est le début de la révolution cubaine. Et là, on apprend dans votre livre, Jérôme Garcin, qu'il avait envisagé à Cuba de tenir le rôle de Raoul Castro. Alors, quand on voit Raoul Castro, le demi-retraité d'aujourd'hui, en photo, mais la photo de Gérard Philippe en 1959. Alors, d'abord, Amérique du Sud, pour Amérique du Sud, je préfère les orgueilleux à la fièvre. Oui, mais on suit votre ordre chronologique. Absolument. Non, mais juste, en même temps, imaginez que son dernier tournage, son dernier film, c'est La fièvre monte à El Pao. En juillet 59. C'est quelque chose d'hallucinant. Et évidemment, le retour en France ne peut pas ne pas passer par Cuba. Il faut rappeler les engagements à gauche, très à gauche, de Gérard Philippe, de Gérard et Dan Philippe, d'ailleurs, ensemble, et que ce passage par Cuba, c'est aussi une manière de consacrer leur engagement. Et je vous rappelle qu'il est un des premiers comédiens à avoir signé l'appel de Stockholm contre la bombe atomique, qu'il a manifesté dans les rues de Paris pour la paix, contre les guerres, et contre la guerre en particulier. Et donc, ce passage par Cuba, c'est aussi une manière de sacrifier à ses engagements très profond, très sincère, selon moi très beau, pour la gauche. Pour la postérité, il reste les films, il reste aussi les disques, et parmi les disques, bien sûr, Le Petit Prince, Pierre et le Loup, mais ceci, le manifeste du Parti communiste. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte de classe. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen-Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres, des compagnons, des serfs. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir simplifié les antagonismes de classe. La société se divise de plus en plus en 2 vastes camps ennemis, en 2 grandes classes diamétralement opposées, la bourgeoisie et le prolétariat. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. 60e anniversaire de la mort de Gérard Philippe, Jérôme Garcin, qui publie le dernier hiver du CID. Alors là, nous sommes au printemps 59. Au retour du tournage, il n'est déjà plus tellement en forme. Cuba n'a pas suffi à le requinquer, mais c'est pas un homme qui consulte. Hein. Ses addictions, dites-vous, c'est assez joli comme phrase. C'est le théâtre, le cinéma et le socialisme. Et puis, il compte sur l'été pour redresser sa lassitude. L'été à Ramatuelle, dans une maison que vous connaissez bien. Comme la plupart des hommes, il aimait le soleil et les maisons. Il en avait une à Ramatuelle, dans ce midi où il était né et où il avait vécu une enfance privilégiée. De cette maison, nous ne verrons que ce qui est visible de la route. Ni le bureau, ni le salon, ni la chambre à coucher. Il n'aurait pas aimé ça, nous non plus. Bref reportage de 62, c'est-à-dire au moment où Anne-Philippe, dans la maison de Ramatuel, je l'imagine, oui. Finit le temps d'un soupir. Oui, c'est un tout petit peu plus tard, mais cette maison, c'est en fait une ferme qui appartenait aux parents d'Anne-Philippe et qui en avait fait, qu'il avait légué le jour du mariage de Dan et de Gérard pour leur faire ce cadeau de mariage. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette maison, cette ferme, eh bien, Gérard a, fidèle à lui-même, à ce qu'il était comme homme, a contribué à la remettre debout. C'était un manuel qui détestait la vie sociale et qui n'était heureux que sur un tracteur ou en train de bêcher ou de redresser un muret. Et c'est dans cette maison dans laquelle nos enfants, Anne-Marie et moi, ont grandi, où j'ai vu Anne aussi si heureux, cette maison-là, on peut dire vraiment qu'il l'a faite, qu'il l'a refaite de ses mains. Ça s'est passé aussi un tout petit peu à Cergy, qui était l'autre maison près de Paris où habitait la famille Philippe. Et de la même manière, il l'avait redressée. Et je crois que c'est cet homme en salopette, une bêche ou à la main, correspond aussi peut-être à l'image qu'on connaît moins de Fanfan la Tulipe. Ou du prince de Hambourg. Aujourd'hui, un acteur, nous sommes, avez-vous dit, dans une toute autre époque, il serait sportif, plus que manuel. Oui, il mettrait en avant ça. D'abord aujourd'hui, il ne protégerait pas, comme l'avait fait admirablement Gérard Philippe, sa vie privée. Il l'offrirait en pâture. Lui, il l'avait toujours protégé remarquablement, et il ne serait pas engagé syndicalement, comme l'était cette vedette internationale qui était Gérard Philippe à l'époque, et qui en même temps fondait, créait, présidait le premier syndicat des acteurs auquel nous devons, cher Jean Lebrun, aujourd'hui encore le statut des intermittents du spectacle, c'est-à-dire cet engagement-là avec cette bienveillance, ce militantisme, c'est vrai, c'est inimaginable sur la tête d'un comédien d'aujourd'hui. Il ne va pas se représenter à la présidence du syndicat français des acteurs, il se sent sans doute déjà trop là. Ramatuel ne lui profite pas, cet été très chaud en 1959, non plus la propriété de Cergy. Les vacances à l'époque, ça se termine fin septembre, donc il ne rentre à Paris après avec ses enfants qu'au mois d'octobre, rue de Tournon. Et vous dites que face à René Clair et à son épouse, Bronia, se sentant vraiment mal, il a lancé comme ça, un peu peut-être sur le mode de la procrastination, c'est peut-être un cancer. Et vous faites le rapprochement avec ce message qu'il avait envoyé en 1954. Il était dans le costume du Cid, le pourpoint et le noir et blanc et le maquillage du Cid. Et il était face, sur écran, au public des cinémas. Vous voilà dans la salle et moi sur l'écran. Ce n'est pas la première fois que nous nous regardons en face pour rire et pour pleurer, quelquefois ensemble, quelquefois à contre-temps. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'un sujet grave, douloureux, du cancer. Je viens d'apprendre le nombre de personnes qui, chaque année en France, meurent du cancer. 90 000 personnes. Savez-vous que sur ces 90 000, 30 000 pourraient être sauvées si leur mal était découvert et soigné à temps? Seulement, voilà. Notre pays n'a pas l'équipement nécessaire. Il n'y a pas assez de centres de lutte contre le cancer. Les savants cherchent, avec une patience ardente, le moyen de terrasser le terrible mal. Il faut les aider à y parvenir, le plus tôt possible. Aussi, je vous adjure d'ouvrir votre bourse en faveur des malades et des chercheurs, et de l'ouvrir largement. Et vous dites qu'il a imaginé d'être médecin ? Oui, c'était un de ses rêves de jeunesse. Mais vous savez, on l'a pas dit, mais à son retour de Cuba et du tournage du Buñuel, tout le monde, y compris son médecin, imaginait tout simplement des abcès amibiens et personne n'imaginait que ça pourrait être si grave ce qu'a découvert le chirurgien Godard d'Alen en ouvrant, c'est-à-dire que c'était un cancer primaire du foie. Mais l'allégresse, c'est ce qui caractérisait dans tous ses rôles, même dans le rôle de Rodrigue. On disait que c'était dans le pourpoint du Cid qu'il avait lancé cet appel qui caractérisait Gérard Philippe, qu'il faut qu'on entende un petit peu en longueur. Et là, c'est un bel enregistrement. Percé jusqu'au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle, et malheureux objet d'une injuste rigueur. Je demeure immobile, et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô Dieu, l'étrange peine. En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rudes combats, contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini. Être en jouant. Ce qui est extraordinaire, et il y a aussi cet l'extrait que vous n'avez pas passé de la bataille des morts, le récit, c'est à quel point il rendait cette vieille tragédie un peu drapée, un peu austère, à quel point il la rendait humaine, juvénile, poétique, et je comprends mieux ce que pensait, répétait son magnifique professeur Georges Leroy, c'est qu'il avait donné un nouveau visage, une nouvelle jeunesse, à ces grands textes, beaux, mais un peu austères. Et à Georges Leroy, vous racontez cette scène, pendant que celui-ci est au premier rang, au théâtre Récamier, la nouvelle salle du TNP, il se met à genoux devant lui et il lui promet « mais je serai Hamlet », parce qu'il rêvait de beaucoup de rôles, avant qu'une atteinte imprévue, aussi bien que mortelle, ne le touche. Alors, le portrait du médecin qui va le soigner, vous le faites sans dérouler la suite des événements, parce que vous l'avez connu aussi, ce médecin. Oui, il se trouve que c'était mon grand-oncle, François de Godard d'Alène, et donc, évidemment, j'ai connu à la fois la famille du grand malade et aussi celle du médecin qui a beaucoup aidé Anne à prendre cette décision qui est connu aujourd'hui, qui consiste à ne pas dire la vérité à Gérard Philipe, c'est-à-dire juste après le réveil de cette intervention qui n'aura pas été une opération, donc de ne pas lui dire qu'il était condamné. Ça encore, c'est une très grande différence avec l'époque d'aujourd'hui, où la loi fait obligation, en principe, aux médecins de dire les choses aux malades. Nous sommes clinique Violet. Encore un lieu qui n'existe plus. Qui a disparu. Et Gérard Philipe, ignorant de la gravité de son mal, va qu'à son courrier, à ses coups de téléphone. Alors voici votre épouse Anne-Marie Philippe, la fille, elle avait 4 ans, 5 ans à l'époque, de Gérard Philippe, qui lit un extrait de votre livre. Clinique Violet, 5 novembre 1959. Gérard joint son père en Espagne et lui cache encore avoir rédigé à Cergy le 28 janvier 1957, comme si à 34 ans il présageait déjà sa fin prochaine, un testament dans lequel il a bien pris soin de ne pas l'oublier. S'il lègue tout ce qu'il possède à son épouse, il fait don à ses parents, Marcel et Marie Philippe, de l'appartement de Barcelone, et tient en toute lucidité et en toute possession de ses moyens, a ajouté in fine, si après mon décès, il reste plus de 5 millions de francs liquides, Anne remettra 500 000 francs à mon père. Cet argent aidera papy à organiser son avenir et celui de ma mère. En raccrochant le téléphone, dont la ligne avec l'Espagne est si mauvaise, si hachée, Rodrigue s'allonge sur son lit et ferme les yeux. Que de mots et de pleurs nous coûteront nos pères. Que de mots et de pleurs nous coûteront nos pères. Qu'est-ce que fait le père de Gérard Philippe en Espagne, franquiste ? D'abord, juste un mot pour vous dire que je n'ai découvert que très récemment l'enregistrement qu'a fait Anne-Marie de ce livre, de mon livre, et que j'en avais la larme à l'œil tellement j'étais troublé, non pas du tout par le texte qu'elle lit, mais en revanche par la manière dont elle habite ce texte qui rencontre tout simplement de la fin de son père. Et c'est quelque chose pour moi qui m'a donné la chair de poule. Son père était avait le très grand hôtel, le parc hôtel de Grasse, et il a été hôtel où il avait accueilli pendant l'occupation tout l'état-major italien, mussolinien, et ensuite l'état-major allemand. Et il a donc été, à la libération, condamné à mort par contumace. Et il est parti, parti pour l'Espagne, l'Espagne franquiste, faut-il le rappeler, s'installer à Barcelone dans un appartement que son fils Gérard lui avait acheté, Gérard Philippe, qui lui-même, ce qui devient de quelque chose de kafkaïen, était lui-même jeune FFI, avait participé à la libération de Paris, avait été l'un des hommes de Roger Stéphane, il était à l'hôtel de ville. Et donc on a toute l'histoire aussi, peut-être, et la source de l'engagement fervent politique de Gérard dans cette histoire hallucinante qui est sans un père qu'il condamné. Soit infidère à l'affection à son père. Et en même père, temps, et en même temps, la beauté absolument. Vous avez tout à fait raison, Jean Lebrun. C'était un fils presque au sens cornélien du terme, c'est-à-dire qu'il non seulement il couche son père qui va lui survivre sur son testament, mais il va lui rendre visite à Barcelone. Il ne renie pas celui à qui tout l'oppose idéologiquement. Et je trouve que c'est cette loyauté, ce mot utilisé par Jean Villard le jour de la mort de Gérard Philippe, est aussi, à mon avis, un des beaux mots qu'on peut accoler au nom de Gérard Philippe. Alors, votre livre cite tous les rôles qu'aurait pu imaginez Gérard Philippe, il annote jusqu'au bout à la clinique, de retour chez lui pour peu de jours, les grands classiques grecs qu'il aimerait interpréter. Il lit d'autres livres qui nourrissent aussi ses rêves. Je voudrais juste, dans le livre, signaler l'importance de personnages qui sont en arrière-fond, en dialogue muet avec Gérard Philippe, et notamment Georges Perros, son frère jumeau dans l'adolescence au TNP, et qui ne le reverra pas, parce que Georges Perros, il cherche à s'installer en Bretagne à l'époque. C'est un merveilleux poète. Merveilleux écrivain, celui des papiers collés, qui a donné peut-être un des plus beaux textes sur son ami fraternel disparu, Gérard Philippe. Georges Perros, dont on a un peu oublié qu'il avait fait ses débuts comme comédien à la Comédie Française. Il n'était pas fait du tout pour être sur une scène et en pleine lumière. Gérard l'adorait, c'était un peu sa conscience, son Jiminy Cricket, et c'était pour Georges Perros, Gérard était le frère jumeau qu'il avait perdu. C'est une très très très belle histoire que leur relation, et Georges Perros n'avait pas un centime, et Gérard et Anne l'ont accueilli dans leur maison de Cergy pendant des années. C'est là qu'il a commencé à écrire d'ailleurs ses papiers collés, et je trouve que cette histoire est magnifique. Elle est incarnée par une correspondance triangulaire, la seule en son genre qui existe, c'est-à-dire Gérard et Georges qui s'écrivent pendant des années, et puis après la mort de Gérard, c'est la correspondance continue entre Georges Perros et Anne Philippe jusqu'à la mort de Georges Perros. Juste alors, sur un tout autre ton, Régis Debray a fait un parallèle entre l'époque Gérard Philippe et l'époque Alain Delon. Un parallèle qui a du sens. Il aime bien faire des parallèles en tout domaine, c'est systématique chez lui, mais oui. Là... Oui, mais en tout cas, ce que dit très bien le texte de Debray, c'est que la conception qu'avait de son métier, non seulement d'acteur, mais de vivre, de Gérard Philippe, est inimaginable aujourd'hui, et que même un Alain Delon, à qui il reconnaît une éthique. Absolument, même si idéologiquement c'est exactement l'opposé, et qu'il n'a pas foulé les scènes de théâtre comme Gérard Philippe. En revanche, c'est vrai que on n'imagine pas Alain Delon non plus président du syndicat des acteurs, ni travailler surtout au bonheur des spectateurs. Votre livre, Le Dernier Hiver du Cid, c'est chez Gallimard, et puis je signale la nouvelle édition de la biographie qui a apporté beaucoup, de Gérard Bonnal. Très bonne Gérard biographie. Philippe, c'est aux éditions du Seuil. Et donc, le 25 novembre, Gérard Philippe disparaît. On nous l'avait prêté, il fallait le rendre assez vite. À Ramatuel, près de Saint-Tropez, où il a voulu dormir son dernier sommeil, une foule l'a accompagné jusqu'au bord de sa tombe. Avec Anne Philippe, sa femme, son frère, son grand ami René Clair, et sa mère, dont la peine nous étreint tous. C'est là qu'il dormira, presque à l'ombre de sa maison familiale, discret et digne comme il a vécu. un grand garçon, tout simple. L'émission a été préparée par Franck Olivard, avec Audrey Ripouille à la réalisation, Johanna Gabric à la technique.